Arrache, malgré mon jeune âge, et moi, prêt à suivre les mecs de mon quartier pour montrer ce que je suis prêt à faire et me faire respecter. Je suis juste un mec de quartier avec des potes. On prend les sous-sales en pensant que c'est pas grave, mais c'est pas anormal. On pense qu'on va finir connu, mais avant, faudra échapper à la rue et au commencement de la réalité. Les emmerdes, le travail et la pauvreté. L'être humain est un parasite, peut apprendre ce qu'il lui faut et prendre la fuite. C'est comme sur terre, la récolte de pétrole va faire exploser cette merde. Testez-moi, je suis un mec qui part au quart de tour. Je te pousse du haut de la tour. Pendant ton plat, tu cries à tout va. Et moi, je rigole en me disant que ça ira. J'étais un bouffon et les applaudissements tomberont. Mais la vie, c'est pas ça. C'est se faire tuer par un blanc et passer aux infos. Et tuer un black et être un facho. Moi, je dis que les infos, ça rend info. Et c'est Nico qui va nettoyer l'iniquité au Karcher. Après, il a juste ramassé la merde. Envoyé le monde se rebeller. Alors, ses paroles, il a fallu les enlever. Écoute, mon blaze morphino, on en parle beaucoup, on s'enflamme sur tout. Mes paroles brutes ont tout un sacré but, me rendre respecté et qu'on parle de moi à tout jamais. Car un petit gars sorti de la street avec des textes qui arrachent tout et sort vite. Et ouais, j'étais dans une maison, mais au quartier, je portais moins l'attention, je voulais du cash. Alors on m'a donné une barrette cash, on m'a dit coupe la vin là. Comme ça, argent sale, tu auras un mec des blocs, tu deviendras. Moi je l'ai pas fait, j'ai préféré faire respecter. Alors bagarre, j'ai essuyé sur un ring de boxe, on se croirait sans avoir peur. Mon objectif, devenir rappeur, un fils de rue. J'ai été traîné dans la rue, c'est ce que je faisais. Maintenant je suis en studio, devant ma bouche, le micro, sans stress, je vois que les rimes oublient le reste. Je coupe les gens comme les citrons, j'en fais des zestes avec des rimes tranchantes. Parfois sage, mais souvent méchante. J'entre dans le rap, défonce les portes, pas besoin que je tape. Je suis comme une météorite, à peine rentré, j'accélère. Avec quelques arrière-fonds de bière, la groupie entre les jambes. Pète à sucer pendant que toi tu serres les jambes en voyant derrière toi. Mais pense que t'es enculé, j'en ai rien à foutre de ça. Écoute, mon blaze morphino. On en parle beaucoup, on s'enflamme sur tout. Mes paroles brutes ont tout un sacré but, me rendre respecté et qu'on parle de moi à tout jamais. Car un petit gars sorti de la street avec des textes qui arrachent tout et sort vite. Moi c'est Morphino, je suis un M6, pas un R, j'gadjo, j'balance du rap plein de réalité. Ceux qui aiment pas, ils aiment pas la réalité. Je viens du sud avec mes potes, on les maîtrise les capsules. Maintenant c'est direction bloc, avec nos rimes, on débloque. On balance des rimes pas toujours fraîches, mais toujours les filles fraîches. Accroupies, je leur pète très bien leurs petits. J'ai eu trop d'embrouilles avec des gamins, maintenant je les traite tous comme des chiens. Parce qu'ils m'ont cherché, dès qu'ils ont vu ce que je valais, ils ont commencé à s'affoler. Je vais vers eux avec ma percée lyricale, je vais les niquer, c'est normal. Le manque de respect fait monter le taux de mortalité. Écoute, mon blaze morphino, on en parle beaucoup, on s'enflamme sur tout. Mes paroles brutes ont tout un sacré but, me rendre respecté et qu'on parle de moi à tout jamais. Car un petit gars sorti de la street avec des textes qui arrachent tout et sort vite.